Triste mélopée, sifflant au chemin des dames, elle effleure les larmes. Deux milliers de roses descendent au gré du vent, s'enfuirent la lumière, apothéose devenue poussière à la lueur d'une idée. Elle appartient aux voleurs, soupirs enlevés, au chevet d'un soir d'été pour s'éteindre en hiver. Au lieu d'étreindre la vie, à 18 ans à peine, se repose doucement avec comme sentence mort pour la France. Est mort pour la France. Raconte-moi, raconte-moi quand le ciel s'emballe en brisant les lumières. Rappelle-toi, rappelle-toi ces filles aux yeux de pâle, pâlissant sous l'effet des balles, crèveront en la tue-tête dans le sang rouge de ton sang. Élue femme de la patrie sur nos places face au troquet, vérité universelle sur leur tombe se dessine. Douce rengaine à maintes reprises, des mots que je n'aurais pas voulu devoir chanter. Mort pour la France. Mort pour la France. Mort pour la France, mes derniers souffles à 20 ans. Ou mort pour des hommes n'y ont pas goûté la baïonnette. Et mort pour une idée et qui n'est pas la mienne. Mort pour la France, mais mort. Mais mort quand même. Mais mort quand même. Mais mort quand même. Depuis l'Afghanistan, on ramène un cercueil, un drapeau sur la gueule, on applaudit, oh quelle jolie médaille posée sur le ventre, récompense d'être mort pour son putain de pays, mort pour la patrie, mais bien loin de chez lui, mort pour son pays, mais mort quand même, mais mort. France, mes derniers souffles à 20 ans. Ou mort pour des hommes n'ayant pas goûté la baïonnette. Mort pour une idée qui n'est pas la mienne. Mort pour la France, mais mort. Mais mort quand même.